m'envolerai même avec une aile en moi. Dans ce game, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je sais très bien que ce sera pas facile, mais je suis un soldat comme la daronne. Je vis peut-être mes derniers moments. Autour de moi, c'est plus comme avant. Ils ont qu'un but, c'est de m'atteindre. Ils savent que je vais les éteindre. Pour gagner leur cœur, voilà, j'ai tout fait. J'ai terminé le cœur étouffé. Malgré ça, je suis restée prête. Ma vérité n'est pas leur vérité. Parmi les fauves, j'ai jamais saigné. Je perds pas la tête, c'est moi l'épée de Damoclès. Quand je pense depuis tant d'années, j'aurais dû depuis m'en aller. Sans alerte, tout à tout. Tout, tout, tout, tout, tout. Je l'ai fermé depuis tant d'années. Enfermé comme un condamné. C'est à mon tout, tout, tout. Tout est autour. Quand je pense depuis tant d'années, j'aurais dû depuis m'en aller. Sans alerte, tout est autour. Tout est autour. J'ai fermé depuis tant d'années. Enfermé comme un condamné. C'est à moi tout est autour. À moi tout est autour. Sur mon chemin, j'ai dû abandonner toutes les personnes qui m'empêchaient d'avancer. Avant que j'apprenne combien de fois mon dos tu le tues. Et tu n'étais pas désolé. J'essaye de m'en sortir depuis tant d'années. Le cœur a sombré comme un condamné. Je tourne dans le vide un peu comme un vinyle. Si c'est pas moi, personne ne ferait chanter. J'ai rien dit depuis tant d'années. Je l'ai fermé depuis tant d'années. Quand je pense depuis tant d'années, j'aurais dû depuis m'en aller. Sans alerte, tout, tout, tout. Tout, tout, tout, tout, tout. Je l'ai fermé depuis tant d'années. Enfermé comme un condamné. C'est à mon tout, tout, tout. Tout est autour. Quand je pense depuis tant d'années, j'aurais dû depuis m'en aller. Sans alerte, tout est autour. Tout est autour. Je l'ai fermé depuis tant d'années. Enfermé comme un condamné. C'est à moi tout est autour. À moi tout est autour. J'ai dû trimer ce que j'ai, on me l'a pas donné. Déterminé, mon pote, ça fait des années. Je les ai vus partir quand il fallait rester. Avec ou sans eux, mon chemin je vais le continuer. Ah, j'ai dû trimer ce que j'ai, on me l'a pas donné. Déterminé, mon pote, ça fait des années. Je les ai vus partir quand il fallait rester. Avec ou sans eux.